Vous êtes tous les deux inconscients. Venir sur le territoire Vodang signifie votre mort immédiate. Vous n'avez plus qu'à aller voir Shisen pour lui dire que Pak Mai est le maître et que votre petit doigt ne changera rien à l'affaire. Shisen, que la honte soit sur toi. Tu as enfreint les règles du temple. Nous sommes venus ici pour te punir. Assez. Vous êtes venus ici pour combattre, alors pas besoin de discussion. Vous l'aurez voulu. Un dernier salut au levant. Avant que je m'en aille sur un talus brise le vent. En secret j'aiguise un kunai d'un pas discret digne et léger. Vous observe infiltré dans vos réserves. J'ai mes lignes à protéger. Avant l'expiration carbure à l'air pur aux bontés. Furtif telle une respiration pour armure j'ai ma volonté. Instinctif j'ai cerné. Démontez vos jacteurs dans vos comtés. J'ai discerné berné la bonté des acteurs. Tout un pan d'enseignement. Des heures d'entraînement. Dans le cœur un déchaînement. Dans les tympans des saignements. Des entailles sur mon kimono. Noir à capuche, le soir dans leurs détails je bûche mes failles et le mat kimono. Retranché dans mon antre, sur ma feuille vos modes branchés pour accueil les étranchés. J'ai mes codes et mes chantres, entre yin et yang. Ma lutte est secrète, vos insultes, les mauvaises langues. Mon esprit bute ce qu'elle sécrète. Derrière la théorie, toute une pratique pour éventail. Même statique endolori, me méfie d'un épouvantail. Mais au défi mes entrailles, me fie au shin shin shingan. Pour calorer de chaque bataille, l'encre de shin frappe vos organes. Mental forgé au ninjutsu, aux épreuves sur ma colline. J'ai fait preuve de discipline entre instrumental et sun. Sous sur le fleuve à contre-courant, surf sur leurs embuscades, par bluff me montre mourant, ressort comme neuf de mes cascades. Mental forgé au ninjutsu, aux épreuves sur ma colline. J'ai fait preuve de discipline entre instrumental et Sun Tzu. Dans mon art, garde issue pour vos rapstars en régression. Tout égorgé au sekitsu, ma guerre semaine en discrétion. Voix de sobriété, philosophie du fantôme, aux abois sous ébriété. Moi j'atrophie tous leurs atomes, envoie trois coups entre deux souffles pour les 100 voix de ma trempe, et c'est sous les feux de la rampe que je me camoufle, si vient la crampe je me restaure. À l'ancienne je liquide, mes tueries, mes homicides sont toutes derrière un store, quelques combos pour le score. Mes victimes sous le marbre, des lambeaux de chair sur le sabre achèvent les autres au corps à corps. Toutes mes plaies sont profondes mais les soigne à la médecine douce. J'écoute leur clan sur les ondes, assassine sur le pouce, frappe le triple de leur nombre. M'éloigne au pas de course et quand vient l'éclipse me ressource comme un disciple de l'ombre, des étoiles dans la trousse. En cas de danger, à lancer sans fracas quand j'ai des enragés aux trousses. L'esprit en mouvement, j'ai l'aisance de ma science. L'expérience m'a appris gravement que l'ennemi c'est l'impatience. Remis de mes luttes, assis dans la méditation, saisis le sens d'un air d'une flûte, ainsi sans mes palpitations. À 600 mètres d'ici, la jeunesse se prépare, me dit que la finesse est rare et que tout grand maître est précis. Mental forgé au ninjutsu, aux épreuves sur ma colline. J'ai fait preuve de discipline entre instrumental et Sun Tzu. Sur le fleuve à contre-courant, surf sur leurs embuscades, par bluff me montre mourant, ressort comme neuf de mes cascades. Mental forgé au ninjutsu, aux épreuves sur ma colline. J'ai fait preuve de discipline entre instrumental et Sun Tzu. Dans mon art, garde issue pour vos rapstars en régression. Tout égorgé au sekitsu, ma guerre semaine en discrétion.